observer le monde d'aujourd'hui, assis au fond des bois, n'est pas que pour tromper l'ennui, mais prendre parti parfois, savoir mieux ouvrir son cœur aux raisons qui l'emportent, partager les malheurs, les bonheurs de mes compatriotes. Je n'ai pas trouvé normal que les vieux descendent dans la rue pour défendre tant bien que mal les sous qui leur sont dus. Tout le monde n'a pas eu la chance de voir ses revenus augmenter de 100% d'abondance au palais de l'Élysée. Avec ma cabane et mon Stetson, en pleine nature, un peu décalé des hommes, un peu rude, un peu dur. Et le vieux charcot sous son banc a oublié d'être vivant, un peu courbé, un peu cassé par les traces du temps. Un petit sourire au passant pour une pièce donnée, les mots échangés de temps en temps, sa vie tient dans un sachet. Ils ont ouvert leur portefeuille, quelques milliards de dollars pour sauver les banquiers en deuil et faire de nos vies un cauchemar. Pas de parachute doré, tu peux crever de faim. Ils ne veulent pas que le monde soit sauvé, l'humain ne représente plus rien. Avec ma cabane et mon Stetson, une vie en pleine nature, un peu décalé des hommes, un peu rude, un peu dur. Cette nuit, plus d'opposants au pouvoir, la guerre des petits chefs a trahi, l'ambition écrase l'espoir. Alors que le monde va mal, la rose, elle se fane. Ségolène Martin s'en fout pas mal, elles ont vendu leurs âmes. D'aujourd'hui, assis au fond des bois, n'est pas que pour tromper l'ennui, mais faire changer tout ça. Peut-être qu'un jour ils comprendront que le monde nous appartient. Politiciens, nous ne sommes pas vos pions, sans nous vous ne valez rien. Avec ma cabane et mon Stetson, je vis en pleine nature. Un peu décalé des hommes, un peu rude, un peu dur.